Pablo. Let it go. Ba ba ba. Hey. Oh. Ah. Hey. Oh. Ah. Je fais un lay, pas je rentre côté car j'arrive avec qui. Ils me grattent tous des thunes, c'est clochard. Oh. Un tir sur ton équipe qui ricoche. T'appelles les plaques, t'attaques, on se va te recoucher. Oh, hey. Tous les jours, ce qu'elle est mon lobby. Oh, ah. Parce qu'elle est mon lobby. Hey. Tous les jours, soit elle fait plein de mon ami. Oh, ah. Mais Fala, t'es pas mon ami. Fala, t'es pas mon ami. Le mélange, même pas tu l'assumes. Sur la jambe, m'emmenez pas, j'enlève la puce, les seuls à fume. Les petits frères suivent nos pas, des mains comme les dames, ils sont pile. Vos faces bizarres, je comprends pas de votre monde, j'aimerais m'enfuir. Chemin, j'ai pris le vent, mais je te vois pas sur ma route. Sans punto, j'y vais un fond, même si y'a le mur, j'ai pas de doute. J'ai plus de savoir que toi, même si Fala, t'as pas redouble. Tous les jours, les vis, c'est un max, t'as le soin, des Fala, te la redoute. Mais moi y'a même si j'suis pauvre, j'suis au-dessus de tes doigts, y'a donc fais pas le bon. Non fais pas le bon, ta visage de bonne peau. Consomme la bonne feu, on tape que les bonnes go. Sur Lyon tout l'été, grave fluidité, j'suis pété. Sur la quai, j'suis là, j'attends que tu fasses ton choix. J'pense à tout plaquer, j'écoute tes sons claquer. Le clan au taquet, voilà, sont aux aguets. Kaki pour la guerre, Rangers pour la paix. Crois pas nous la faire, t'es dans une sale affaire. Rock allumé en logo, pop pop allume trop chaud. Trop que les shit au chaud, pop pop allume trop chaud. Avec le fil mojo, notre relation elle veut autre chose. Autre chose, autre chose, notre relation elle veut autre chose. J'ai du marron, du vert à leur proposer. Agis, fais-le, rien ne sert trop causer. J'ai du marron, du vert à leur proposer. Agis, fais-le, rien ne sert trop causer. À droite, à gauche, pas le temps de se reposer. J'fais qu'est charbonné, y'a un pli abonné. La jointe t'a demandé, toi tu lui as donné. Sur la paille fauchée, à quoi tu t'attendais? T'as la vue, t'as tenté, dans le game comme attentat. En chaussettes, sandales, dans les nez, comme d'hab, hey.